Donc, c'est ça, je vais vous lire un texte dans Philippiens 1, verset 27 jusqu'à 2, verset 11. Donc, je commence. Seulement conduisez-vous d'une manière conforme à la bonne nouvelle de Christ. Ainsi, que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrai apprendre que vous demeurez fermement unis dans un même esprit et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera pour eux le signe qu'ils vont à leur perte et que vous êtes sur la voie du salut. Et cela vient de Dieu. Car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant en lui, mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous participez au même combat que vous m'avez vu livrer autrefois et que je livre encore, comme vous le savez. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant le même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par de désir inutile de briller, mais avec humilité. Considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possède depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris les conditions de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tout proclame à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ est le Seigneur. Ça va comme ça? OK. OK. On va revenir au texte dans 2-3 minutes. La fin de semaine passée, Gled et moi, on a décidé d'aller à New Hampshire pour faire des randonnées. Et je ne sais pas si vous avez jamais vu les montagnes blanches de New Hampshire, mais il y a 43 sommets de plus que 4000 pieds. Alors ça, c'est quoi? 1500 mètres, presque. Et on commence à connaître le New Hampshire. On a fait des randonnées depuis le commencement de notre mariage, mais tout dernièrement, on a fait beaucoup de randonnées dans l'État de Maine, puis maintenant, on est tombé en New Hampshire. Alors, au début, on reçoit les petites dépliants comme ça, « Best Red Guide » pour New Hampshire, puis ça a l'air vraiment formidable. Et puis, il y a le « Travel Guide » de New Hampshire et la carte et le guide. Alors, on s'intéresse beaucoup à cette partie. Puis, il y a deux étés, j'ai acheté « The Appalachian Mountain Club Best Day Hikes in the White Mountains ». Alors, c'est les randonnées d'une journée à 4 à 7 heures de longueur. Puis là, on a choisi des randonnées qu'on allait faire de ce livre. Et quand nous sommes arrivés au centre des visiteurs, en bas d'une partie des sommets, là, on a pris un conseil avec un guide qui était dans le centre et il nous a fortement recommandé d'acheter une carte qui était très, très détaillée à propos des randonnées dans les... Ça, c'est juste une partie. Ça, c'est une autre partie. Et c'est une mine d'or d'informations, sauf qu'on l'a acheté en sortant du centre. On n'a pas vraiment pris le temps de lire beaucoup de choses qui étaient sur la carte jusque le soir même de notre première randonnée. Mais sur la carte, il dit ceci. Je vais le lire en anglais, puis je vais vous donner la traduction. « Most trails in the White Mountains are rough, rocky, wet, muddy, slippery, slow-going, and even dangerous. » Alors, c'est ça qui est écrit dans tout petit dans un des coins de cette carte. Je l'ai lu le soir, OK? Alors, la plupart des sentiers dans les montagnes blanches sont brutales, rocailleux, mouillés, boueux, glissants, ont fait de progrès lentement et sont même dangereux. Et je vous garantis que c'est absolument vrai. Alors, on avait choisi le Lost Pond Trail qui mène au Wildcat Ridge Trail, qui était supposé d'être une randonnée d'à peu près 4 ans ou 6 ans si on continue sur le sommet puis on redescend de l'autre côté, on fait le cercle comme ça. Et puis, alors, il y avait, mais en haut du sommet, ils nous ont dit qu'il y avait une gondola, que si au cas où on devient trop fatigué ou c'est trop tard dans la journée, on peut prendre la gondola pour descendre et ça prend à peu près 15 à 20 minutes. Alors, on allait monter de 800 mètres dans à peu près 5 kilomètres. Alors, quand vous lisez ça sur la carte, c'est une chose, mais quand vous le faites, c'est autre chose. Alors, on commence. Et je crois que c'est la randonnée la plus difficile qu'on a fait dans notre vie jusqu'à date, franchement. Mais on s'est formé, on s'entraîne, puis moi, je fais beaucoup de choses dans mon gymnase, Glenn fait beaucoup de jogging, puis on était prêts. Et on était souvent à quatre pieds. Alors, j'avais mon bâton de randonnée, OK? Puis quand vous montez, vous le mettez courte. Alors, voici la poignée, un petit boussole qui nous a aidé parfois, un petit boussole. Puis on monte et c'est très court. Quand vous descendez, vous le mettez plus long parce que... En tout cas, parce que là, on descend, puis on fixe notre bâton, puis ça nous donne une stabilité. Moi, j'utilise un bâton, Glenn, non, mais ça m'aide énormément. Mais à un moment donné, aussi, j'avais le bâton juste sur la poignée comme ça, puis il traînait en arrière de moi parce qu'on montait à quatre pattes. OK, on va mettre le pied là, puis où est-ce que tu as mis ton pied? OK, je vais mettre là, puis... C'est où la place pour agripper? OK, on agrippe ici. Ah, c'est vraiment quelque chose. Ça nous a pris presque 4 heures juste pour monter. Et pour vendre la mèche, on a pris le gondola pour descendre. À un moment donné, j'ai dit à Glenn, quand est-ce qu'on admet que nous faisons de l'escalade et nous ne faisons pas de randonnée? Et est-ce qu'on sort les cordons? Est-ce qu'on sort les pitons? Ou est-ce qu'on est vraiment... Parce que parfois, il y avait des falaises qu'il fallait monter. Puis là, une fois, j'ai regardé comme ça, OK, Sam, regarde pas. Parce qu'il n'y a absolument rien en arrière de nous, puis on montait la falaise comme ça. Alors, ensemble, c'est sûr que nous sommes beaucoup plus courageux que si on l'avait fait toute seule. Moi, je ne ferais jamais une sorte de chose comme ça toute seule. Mais avec Glenn, je le fais. Et lui, avec moi, il le fait. Et c'est sûr qu'on a croisé d'autres personnes. Il y a tout un système pour les randonneurs. Il y a le club d'Appalaches, il y a des centres de randonnée. Vous pouvez prendre une douche à la fin, vous pouvez vous nourrir, vous pouvez vous chauffer. Parce que même au milieu de l'été, ça peut changer très vite en haut de la montagne. Et c'est sûr qu'il y avait des choses qui nous aident sur le sentier. Comme la boussole, par exemple. Quand nous étions sur un sommet, puis on regarde le nord, là, on sait que ça, c'est telle et telle montagne, et quand on a fait un autre sommet, OK, ça, c'est telle et telle montagne. C'était le fun d'avoir la boussole. Il y a des marches rocheuses, parfois, qui sont installées dans les parties du sentier qui sont plus difficiles. Alors, j'apprécie ça. Si j'avais 20 ans, peut-être j'aurais passé autour, mais à 57 ans, je prends toutes les aides qui sont sur le sentier. Il y a des poteaux indicateurs. Alors, voici, si vous voulez continuer sur ce sentier, c'est dans cette direction et tant de kilomètres ou milles, etc. Mais la chose qui nous aide le plus, peut-être, c'est les petits indicateurs blanches qui est comme un coup de pinceau sur la roche, sur un arbre, quand vous êtes au milieu, puis tout d'un coup, est-ce qu'on est toujours sur le sentier? Est-ce qu'on suit la bonne direction? Puis on regarde, oh, il y a le petit coup de pinceau qui est là sur l'arbre. Oh yes, on est toujours là. Et parfois ils sont blancs si c'est le sentier Appalaches, parfois ils sont bleus si c'est un sentier de la région locale, etc. Alors le coup de pinceau au niveau des yeux nous rassure d'une façon très régulière. Et quand nous sommes seulement sur les roches, ces coups de pinceau viennent très souvent. On peut même les suivre. OK, on est ici, mais je vois la prochaine, il faut aller par là. Une autre chose que la carte dit, La météo change rapidement dans les montagnes. La fatigue et les conditions inattendues peuvent affecter le succès de votre randonnée. Il faut connaître vos propres limites et quand il faut remettre votre randonnée et les destinations visées, les collines seront toujours ici une autre journée. Alors, j'ai lu ça aussi le soir. J'ai dit, oui, c'est bon parce que parfois, il faut retourner. Hein. On ne peut pas finir. Puis ça nous est arrivé déjà l'année passée où on a dû retourner. On n'a pas fini à cause de la grande pluie et la boue. Alors, cette expérience, oh oui, je n'ai pas montré, mais je ne les ai pas encore nettoyées. Mais c'est une bonne indication de la boue et la condition du sentier. Ça, c'est les bottes que j'utilise. Elles sont formidables à cause de la grippe que j'ai. Alors, le bon équipement, la bonne compagnie, les bonnes indications, ça aide. Et en même temps, ça aide dans la vie chrétienne aussi. Il y avait une jeune fille qui s'est approchée de nous dans la première heure de notre randonnée. Elle était toute seule avec un bon sac à dos. Alors, elle avait plusieurs choses qu'on n'avait pas amenées avec nous, mais elle était équipée. Première chose qu'elle nous dit, j'ai déjà mouillé mes bottes. Ah, j'ai dit, oh, c'est plate, mais on ne veut pas changer trop vite parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre pour le reste de la journée. Elle a dit exactement, je vais rester dans mes bottes mouillées, mais peut-être plus tard, je vais les changer. Et puis, alors, elle a fait un petit bout avec nous et finalement, elle a découvert que son débit était plus vite que le nôtre. Alors, elle a décidé de nous quitter. Mais en nous quittant, elle a dit deux choses. Elle a dit, mon auto est un Audi rouge qui est dans le stationnement de Pinkham Notch et mes clés sont dans mes poches de pantalon. Qu'est-ce qu'elle voulait dire avec ça? Que? Mais c'est ça où? Exact. S'il y a quelque chose qui m'arrive, vous savez comment, quoi faire avec moi et où sont mes choses, mes identifications et tout ça. Alors, elle avait l'air vraiment confiante. Mais elle nous a laissé ça en nous quittant. Et par exemple, plus tard dans la journée, elle est revenue avec un groupe de 3 gars parce qu'elle ne pouvait pas continuer. Il faisait trop mauvais sur le sommet. Elle s'est rendue compte qu'elle ne serait pas capable de continuer. Elle a pris la sage décision de revenir. Mais avec ses 3 bons gars, elle avait la compagnie. Elle avait son petit groupe, si on peut dire. Alors, dans la vie chrétienne aussi, nous avons chacun notre équipement, nos forces, nos faiblesses, le bagage. Parfois, le bagage est bienvenu. Parfois, il y a des bagages qui sont moins bienvenus. Sur ça, c'est un bâton pour le ski et pour les randonnées. Alors, pour le ski, tu enlèves ça et tu l'assors. Pour les randonnées, on est supposé d'enlever ça et mettre la chose en caoutchouc, mais j'avais oublié de l'enlever, puis m'accrocher constamment. Ça a pris une heure avant de me rendre compte que je devrais l'enlever, parce que ça va aller plus vite. Alors finalement, je l'ai enlevé, et j'ai remis le caoutchouc, puis ça allait beaucoup mieux. Alors, parfois, il y a des choses dans nos vies qui accrochent, hein, qui nous ralentissent, qui nous fait regarder en arrière, et c'est encombrant. Mais la chose qui est la plus importante sur le sentier, c'est qu'on s'encourage. On s'encourage constamment, on se donne la main. Parfois, on se rapproche, puis Glenn dit, « OK, mets ton pied là. OK, maintenant, mets ton pied là. Donne-moi ta main, puis on traverse les ruisseaux de cette façon. » Parfois, il est plus loin, mais je sais qu'il est là, et il sait que je suis en arrière de lui, et on s'encourage. À un moment donné, il a eu des étourdissements. C'est la première fois que ça lui arrive dans un randonnée. Puis ça a duré peut-être une heure, je dirais. Alors, plus souvent, j'ai dit, comment vas-tu? Veux-tu qu'on arrête? Prends une gorgée d'eau, des choses comme ça. Alors, on le fait ensemble, puis on prend le débit de nous deux. Je pense que Glenn pourrait aller un peu plus vite s'il n'était pas avec moi. Mais il prend mon rythme. Moi, je suis plus lente. Et quand il y a quelqu'un qui a besoin d'une gorgée d'eau, on s'arrête tous les deux. On ne laisse pas aller l'autre continuer. On reste ensemble. Mais on marche. On progresse toujours vers le haut et le haut et le haut. À un moment donné, mon cœur battait à 135 bas le minute. Alors, j'ai dit, OK, je pense qu'il faut arrêter. Je vais prendre mon souffle. Puis Glenn aussi, ça battait assez fort, mais pas comme moi. Alors, il m'a attendu. Puis on s'est assis. Puis on fait pipi dans la forêt, puis on a continué. Bon, alors, c'est vraiment un monde, le sentier physique est comme le monde chrétien, et notre sentier, on appelle ça souvent un cheminement. Et je vous garantis que c'est beaucoup plus intéressant et compliqué de cheminer avec les autres. Mais de cheminer toute seule est très aride. Quand on croise, ou plutôt les gens nous croisent sur le chemin Appalaches et ils étaient toutes seuls, ils sont partis de Géorgie dans le sud, dans le mois de mars, puis maintenant, en mois d'octobre, ils sont rendus en New Hampshire. Jour après jour, oui, ils croisent les autres et ils font la communauté un petit peu le soir, mais le jour, ils sont tout seuls. On a croisé un couple qui ont fait ce trajet. Moi, j'ai trouvé ça plus intéressant. Et là, quand en montant, on était en dessous des nuages. À un moment donné, on était dans les nuages. Et plus tard, on était sur les nuages. Alors, la récompense, c'est le sommet, n'est-ce pas? On a une vue panoramique. On n'a pas eu ça cette journée-là. Il y avait trop de nuages. Le lendemain, par exemple, on a eu une très, très belle vue panoramique. Mais samedi, là, quand nous sommes arrivés au sommet, non, pas de vue. Pas de vision. Mais c'est comme ça aussi, hein, parce que nous pensons que nous allons avoir les pauses café, les récompenses, les choses qui vont récompenser nos efforts. Et parfois oui, parfois non. Mais ensemble, c'est moins grave. Ensemble, on peut vivre ça. Alors, on a pris notre lunch sur le sommet. On était tellement contents juste de s'asseoir que finalement, d'avoir la vue devant nous aurait été un luxe, mais pas nécessaire. Et c'est sûr que c'est un travail de concentration. Et dans la vie chrétienne, parfois, nous sommes très concentrés sur qu'est-ce qui se passe autour de nous, qu'est-ce que nous apprenons, qu'est-ce que nous voulons faire, nous voulons accomplir. Mais sur la randonnée, sur le sentier, il n'y a pas de place pour la compétition. Il n'y a vraiment pas de place pour la compétition. Moi, je ne peux pas compétitionner avec Len pour arriver au sommet en premier. Ça ne marche pas. Puis lui non plus. Qu'est-ce que ça donne si me dévance par quelques milles? Il faut qu'il m'attende de toute façon. Alors, c'est vraiment un travail de collaboration et c'est là où on trouve notre joie. Alors, ce matin, je veux parler de la communauté comme un cheminement, comme ce sentier, mais avec une emphase sur les petits groupes. Alors, je vais venir à ça dans quelques instants. Mais j'ai choisi Philippiens 2 parce que nous avons nos ordres de marche, la façon de faire l'un avec l'autre. Et je vais concentrer plutôt sur 8 mots qui apparaissent en versets 1 et 2 de chapitre 2. Mais c'est sûr qu'il faut donner le contexte de Philippiens. La lettre aux Philippiens, peut-être vous vous souvenez que Paul se trouve en prison. Il avait déjà fondé cette église. Il reçoit les nouvelles de cette église régulièrement parce que c'était vraiment les chers amis, à part d'être une de ces églises. Dans les villes différentes de l'Empire romain, c'est vraiment une église qui avait soutenu Paul financièrement, qui avait participé dans l'Évangile d'une façon, c'était quasiment les kindred spirit, hein, les gens où il y avait une connexion un peu plus profonde entre eux et Paul. Alors, le contexte du Bérengère a lu en chapitre 1, 27 à 30, ça c'est vraiment la façon que nous faisons la bataille face à notre culture. Parce qu'ils se trouvent en prison. Il y en a qui ont été troublés, peut-être par le fait qu'ils sont en prison. Alors, ils prennent le relève de ce ministère pour répandre l'Évangile. Mais il y en a d'autres qui ont profité du fait qu'ils étaient en prison. Ils voulaient qu'ils restent plus longtemps en prison parce que c'était un faiseur de troubles. C'était le grand chef, le grand boss de l'évangélisation. Et peut-être ça serait mieux sans lui. On peut faire notre ministère, on peut avancer notre cause sans lui. Alors, il y en a qui avaient des intentions qui n'étaient pas pures. Et dans la culture, ça c'est Paul face à la culture. En chapitre 2, c'est vraiment à l'intérieur de la communauté et comment ça va se vivre à l'intérieur de la communauté. Alors, le combat est toujours là, mais il y a une façon d'être les uns avec les autres et une façon de faire. Alors, en verset 1, je vais prendre les quatre mots principaux. Consolation, encouragement, communion et compassion, miséricorde qui vont ensemble. Alors, quand vous pensez à le mot, à la parole consolation, qu'est-ce qui vient dans la tête? Tristesse. Tristesse, OK. Mm-hmm. Une autre chose? S'il y a donc quelque consolation en Christ, qu'est-ce qui vient dans votre esprit, Martin? Oui. OK, OK. C'est même un rafraîchissement. Si une personne est une source de consolation pour moi, il me rafraîchit. Il a une façon de s'approcher de moi pour me réconforter. Alors, c'est vraiment dans l'idée de s'approcher. Et la racine en grec, c'est paraklesis. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Consolateur. L'Esprit Saint est appelé le paraclète. Alors, c'est le même mot, paraklesis. Alors, c'est quelqu'un qui s'approche pour consoler, pour donner du confort. S'il y a donc quelque consolation en Christ, alors il fait appel à la congrégation, à cette communauté d'être les sources de consolation les uns pour les autres. Deuxième mot, c'est intéressant. S'il y a quelque encouragement dans l'amour, alors nous avons le mot encouragement, mais c'est plus une exhortation. Ça veut dire un discours convaincant fait en amour entre chrétiens. Alors, ce que Paul fait en écrivant cette lettre était un encouragement. Il fait un discours convaincant en amour à ce groupe de chrétiens. Ce que je fais ce matin, j'espère que ça va être une chose convaincante, mais faite en amour. Et les uns avec les autres aussi, ça peut être une exhortation personnelle. Alors, encouragement, c'est l'aspect un peu plus correcteur, si vous voulez. Mais c'est aussi encouragement, ça donne du courage. Alors, s'il y a donc consolation en Christ, s'il y a de l'encouragement dans l'amour, s'il y a quelque communion dans l'esprit, communion, ça évoque quoi pour vous? Les liens. Les liens, oui. Rassemblement, oui. C'est le mot koinonia. Nous avons ce mot « koinonia ». Il y avait même des communautés dans les années 70 et 80 qui étaient nommées les « koinonia » parce qu'ils ont vécu ensemble. Alors, c'est une association, mais c'est aussi une participation collaborative. Daniel, ce matin, n'a pas juste présenté quelque chose et vous étiez tout assis passifs, mais c'était une participation active. Et la semaine passée, quand vous avez fait votre souper, votre dîner spaghetti, c'était vraiment une participation collaborative pour le bien des gens qui sont venus, n'est-ce pas? Ça veut dire aussi un partage de nos biens. Alors, je pense que quand Paul a mentionné il y a quelques communions de l'esprit, il fait référence au fait que les Philippiens l'avaient soutenu de leurs biens. Alors, ils ont montré un signe tangible de leur amour. Et ça vient de l'esprit, ça ne vient pas de nous naturellement de se partager. La quatrième, s'il y a quelque compassion et miséricorde, c'est le mot les entrailles. S'il y a quelque tripe, que vous sentez quelque chose dans vos tripes, si on sent quelque chose dans notre cœur, on ne parle pas de nos intestins, comme le siège d'émotion, on parle de notre cœur. Mais dans le grec, ils parlaient, et les hébreux aussi, ils parlaient des intestins. C'était ça, le siège des émotions. Alors, ils l'ont senti fort à l'intérieur, quasiment physique. Alors, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, j'ai lu une petite phrase qui disait, « Un cœur où habite la tendre miséricorde. » Un cœur où habite la tendre miséricorde. Moi, je ne peux pas inventer ça à l'intérieur de moi-même. C'est seulement en marchant sur le sentier de ma foi chrétienne que Dieu installe et instaure ces choses dans ma vie. Et ça, c'est pour le bien des autres, que j'ai une réaction quasiment dans mes tripes de miséricorde quand je vois quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. Et moi, je pense que cette quatrième chose, la compassion, trait d'union, miséricorde, est celui qui nous équipe et qui nous motive d'être des sources de consolation, d'encouragement et de communion. Alors, je pense que la compassion est en dessous des trois autres choses. Alors, ça, c'est les caractéristiques d'une communauté qui est animée par l'Esprit-Saint. L'idée de compassion et cette idée des tripes, on a quelques exemples de ça dans le Nouveau Testament, dans la vie de Jésus. En Matthieu, à plusieurs reprises, il a eu de la compassion pour la foule qui était laissée et abattue, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Alors, quand Jésus était émouvanté par la compassion, il a agi. Là, on a plusieurs exemples de ça, mais aussi, il y a aussi les exemples des individus. Quand Jésus était devant un individu qui était malade ou aveugle, il a eu cette compassion, cette réaction, puis là, il a guéri. L'apôtre Paul aussi utilise le mot pour décrire lui-même en fonction de différentes personnes. En Philippiens 1:8, le mot revient. Alors, on est dans chapitre 2, mais en chapitre 1, verset 8, il dit « Je vous chéris tous dans les entrailles de Jésus-Christ ». Alors, c'est vraiment, c'est bizarre d'entendre ça, mais c'est ça ce que ça dit. Alors, dans la traduction que nous avons, « Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ » ou « de tout mon cœur ». C'est une réaction qu'il a eue en pensant aux Philippiens. Il a mentionné la même chose dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, ou que vous avez un cœur où habite la tendre miséricorde. Revêtez-vous de cette chose, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Alors, en verset 12, dans cette épître, nous avons une deuxième liste des fruits de l'Esprit. On pense que nous avons seulement une liste des fruits de l'Esprit en Galates 5, mais en Colossiens 3, nous avons une liste très parallèle. Là, un autre exemple est en Philémon. Si vous connaissez l'histoire de Philémon, il y avait Onésime qui... Philémon a volé des choses de Onésime. Non. Onésime a volé des choses de Philémon et Philémon l'a chassé, il est parti, puis il a rencontré Paul. Chanceux qu'il était. Puis Paul l'a amené au Seigneur et il veut renvoyer Onésime à Philémon. Mais il ne l'envoie pas tout seul, mais il l'envoie avec une lettre. Et il dit, « Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. » Imagine. Ça veut dire que je te le renvoie, lui, parce qu'il fait partie de mon propre cœur. Où habite la tendre miséricorde. Alors, c'est formidable, la miséricorde que Paul a eue pour Onésime, et il plaidoie auprès de Philémon d'avoir la même miséricorde, la même compassion. Alors, dans le verset 1, nous avons quatre mots qui devraient décrire la façon que nous sommes les uns avec les autres. Consolation en Christ, encouragement dans l'amour, communion dans l'esprit et compassion avec la miséricorde. Alors, tous ces gestes sont les gestes de rapprochement. Il faut que je me rapproche de Daniel ou de Jules pour montrer de la consolation. Ce n'est pas que je m'attends que quelqu'un va le faire pour moi, mais je suis appelée à le faire pour les autres. Et ça veut dire que je dois demander au Seigneur de m'aider à être centré sur les autres et moins concentré sur moi-même. On prend soin de soi-même naturellement, mais on prend soin des autres par l'Esprit-Saint. Alors, de ceux qui ont quelque chose à donner, font ce ministère auprès de ceux qui sont dans le besoin. Et plus tard, ça peut être vice-versa, n'est-ce pas? Parce qu'on fait l'inverse à différents moments de la vie. Ça, c'est très beau à dire. Mais moi, je l'ai vécu de façon plus concrète et plus ardue dans les petits groupes dans lesquels je participe et j'ai participé. De venir un dimanche matin ou d'essayer de me rappeler, de rappeler tout le monde dans la congrégation à différents moments pour les consoler, pour les encourager, ça, c'est une bonne chose. Mais dans les petits groupes, où on se rend compte d'une façon régulière et à long terme. C'est là où moi, personnellement, j'ai vécu ces choses le plus. Encore sur ma carte de sentier, il dit ceci. Restez ensemble. Quand vous commencez comme un groupe, faites le chemin en groupe et finir en groupe. Ajustez votre débit selon la personne la plus lente. Alors, je trouvais que c'était vraiment une mine d'or, cette petite carte. Bon, alors, c'est aussi une tentation de laisser en arrière quelqu'un qui est difficile ou qui ne veut pas faire son bout de chemin, n'est-ce pas? Ou que j'ai un conflit ou un accrochage avec cette personne. Et c'est tentant de rester seul, de faire les choses toute seule. Mais peut-être que ce n'est pas la meilleure idée. Je vais vous lire un petit texte de ce livre, Hot Apple Cider, qui est un recueil de chapitres d'une trentaine d'écrivains canadiens chrétiens. Alors, Mark Buchanan a écrit celui que je vais vous lire, et merci à mon gendre d'avoir traduit ce texte. Il s'appelle « Perspective ». Dans une église que j'ai visitée récemment, ce texte, d'une source inconnue, était imprimé au verso du bulletin d'information. Sébastien Clark appartient à ce que nous croyons être le plus petit groupe des États-Unis, lui-même. Il raconte « Je participe toutes les semaines à une rencontre dans mon salon. J'apporte le goûter ainsi que ma Bible et après un brin de jasette, je me mets à l'étude des lectures hebdomadaires. Je partage mes joies et mes soucis et ensuite je prie pour moi-même. » Il apprécie l'intimité qu'il s'est créée avec lui-même au fil des semaines. Il remarque, il y a beaucoup de choses à propos de ma personne que j'ignorais. Les petits groupes permettent de faire ressortir les détails personnels qu'autrement, on serait plus trop mal à l'aise de partager. Il a essayé de participer à des groupes plus grands, mais sans trop de succès. Il dit, la présence d'autres personnes dans le décor complique bien des choses, mais à présent, je peux efficacement approfondir ma relation avec moi-même. Il y a un niveau de proximité qu'on ne peut pas atteindre que seul en notre propre présence. Le pasteur de Sébastien a décelé un changement marqué chez l'homme. Sa foi a définitivement mûri depuis qu'il s'est joint au groupe. J'imagine que ce n'est pas la taille du groupe qui compte, mais bien la qualité des gens qui s'y trouvent. Ceci explique tout. C'est un réel soulagement. Ces remarques, finalement, et merci, démystifie quelque chose qui, depuis des années, me pose problème. Pourquoi j'ai tellement de misère à devenir un adulte? C'est de votre faute. Si je n'avais qu'à interagir avec moi-même, me parler, prier pour moi, être honnête avec moi et me rapprocher de moi, et si seulement les groupes avec qui je m'associais étaient formés de mon type de personne, à savoir moi, j'aurais peut-être atteint il y a longtemps un état de perfection sans péché. Mais tel qu'observé par Sébastien, la présence d'autres personnes dans le décor complique beaucoup les choses. C'est bon, hein? Je vais vous lire la deuxième partie si on a le temps, plus tard. Bon, alors dans le deuxième verset, nous avons quatre autres mots qui sont même plus difficiles à réaliser. Alors, il dit, « Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. » Est-ce que vous avez la même pensée avec au moins une autre personne, tout le temps? C'est impossible. Je sais, je suis mariée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une même pensée, d'être d'accord tout le temps, d'être harmonieux? Alors, c'est un but, un objectif, plutôt qu'un idéal, je pense. C'est aussi de tenir comme précieux la même vision des choses. Si nous avons fixé un but ensemble, on se tient à garder ce but, puis on va le protéger, puis on va être content quand tout le monde vise ce but ensemble et ils agissent aussi dans la sagesse. Alors, il y a un aspect de sagesse dans cette exhortation d'avoir la même pensée. Si je pense à Paul, qui était vraiment éloigné de son groupe, ton petit groupe, si vous voulez. Il donne une exhortation très forte parce qu'il se trouve dans un combat. Et les Philippiens se sont trouvés dans un combat. Et dans ce contexte, ils veulent qu'il aille la même pensée. Ce n'est pas le moment de se diviser. Ce n'est pas le moment de se bagarrer. Mais il faut viser le but ensemble et travailler pour avoir cette même vision. En tant que maman d'une famille, parfois, ça m'a vraiment donné de la joie quand les filles s'entendaient bien sur quelque chose. Puis, ils ont travaillé ensemble pour accomplir un petit projet ou pour organiser une fête ou de s'entraider dans la musique. Quand elles s'entendaient bien puis semblent d'avoir la même pensée dans la maison, j'étais comblée, j'avais de la joie. Ou les leaders dans cette communauté. Quand vous allez en avant ensemble, je suis certaine que le souper de la semaine passée était un moment de joie pour les leaders, de voir comment une communauté peut se rallier pour faire quelque chose de bien les uns pour les autres et les visiteurs. Le deuxième, c'est un même amour. Et c'est le mot agapé, certainement. C'est le seul amour où on peut vraiment partager et avoir le même amour. C'est la seule possibilité d'avoir cet accord ou cette harmonie. C'est parce que l'Esprit habite en nous. Et si j'ai vraiment un problème avec quelqu'un d'autre ou un conflit ou un accrochage, c'est par l'Esprit que je peux cheminer avec cette chose et cette personne. On peut progresser ensemble. Regardez qui nous sommes dans cette salle. C'est un groupe vraiment disparate. Hein? On vient de toutes sortes d'arrière-plans, les femmes, les hommes, les âges différents, les situations de vie différentes. Mais on peut avoir le même amour parce que l'Esprit est ici. Et dans un petit groupe, on peut travailler ça davantage. La troisième chose, c'est une même âme. Et moi, je vois cette phrase qui joue le même rôle dans ce verset que la compassion a joué dans le premier verset. Je peux travailler mes pensées, je peux travailler mon amour, mais la même âme, que j'ai une connexion âme à âme. Ce n'est pas évident. Et je pense que c'est en dessous des autres choses. Là, on travaille ces choses. Et surtout dans les petits groupes, on peut s'écouter. On peut compatiser, on peut prier les uns pour les autres et on tisse les liens d'amitié, même si on est très différents l'un de l'autre, parce qu'on travaille à un niveau plus profond et plus face à face et à long terme. Et la quatrième, c'est une seule pensée, c'est presque la même chose que la même pensée, avoir la même pensée, d'avoir la seule pensée. Alors, c'est comme... Les appuis livres du verset avec le contenu entre les deux. Je vais juste décider si je vais sauter quelque chose. Non, je pense que je vais le lire. C'est pas si long. OK. En effet, peut-être que le groupe d'études biblique en solitaire de Sébastien est une idée originale, mais la déclaration précédente ne l'est pas. La présence des autres dans notre entourage complique assurément les choses. C'est un fait dont nous avons connaissance depuis l'ère du Jardin d'Éden. Un jour, nous voyons notre semblable et nous nous émerveillons avec reconnaissance. Oh, ostomé, oh, c'est cher de ma chair. Nous sentons une parenté si intime que, enfin et pour toujours, nous pouvons être nus et n'éprouver aucune honte. Le jour suivant, nous nous retrouvons bouillonnant d'accusations. La personne que tu m'as octroyée a tout gâché. Alors, voici un petit paragraphe qui en dit gros. De nombreuses amitiés ne sont qu'à un cheveu de la rupture. Ils oscillent de manière soudaine et abrupte entre leur reconnaissance et leur ressentiment, l'encensement et la médisance, l'ouverture et la coupure de l'un envers l'autre. Un seul geste de travail peut transformer la confiance en méfiance dans l'espace de quelques jours. Une remarque, une allusion, une remontrance ou un reproche subtil peut endommager l'intimité entre les personnes et mener rapidement à l'aliénation. Est-ce que vous avez expérimenté ça? Que vous pensez que vous êtes très intime, très, très bons amis avec quelqu'un, mais là, il parle dans le dos. Ou il y a quelque chose qui est accroché sur vous que vous n'acceptez pas. J'ai peur d'avouer que cela m'est arrivé plus d'une fois. Lorsque je me remémore tous les meilleurs amis que j'ai eus dans ma vie, je ne peux que constater qu'ils ne font partie maintenant que du domaine de la nostalgie. Qu'est-il arrivé? Dans plusieurs cas, rien du tout. L'un de nous a déménagé et nous étions tous les deux trop paresseux pour maintenir une correspondance. C'était une saison de la vie et la saison est passée. C'est normal, hein? L'un est tombé amoureux et un appel plus profond s'est emparé de lui. Mais il existe d'autres cas. Des disputes, des accusations et des jalousies jamais résolues et des rivalités jamais avouées. Alors, le verset 3 nous amène à cette réalité. Le problème de l'envie, de la rivalité qui se trouve au sein de l'Église. C'est sûr que dans la culture de Paul, il a vécu cette rivalité. Il y avait, comme j'ai dit au début, il y avait des évangélistes qui ont profité du fait qu'ils étaient en prison pour avancer leur propre cause. Mais il veut aussi faire référence aux choses qui arrivent à l'intérieur d'une communauté. Et dans les églises de nos jours, ça arrive, c'est sûr et certain. J'ai parlé de quand nous sommes sur le sentier, qu'il n'y a pas de place pour la compétition. Mais nous savons très bien qu'il peut toujours y avoir cet esprit de compétition qui vient dans nos assemblées. Il avait mentionné envie, rivalité en chapitre 1, versets 15 et 17. Et en 17, c'est un mot qui représente le vocabulaire politique. C'est avant le temps de l'écriture du Nouveau Testament, c'était utilisé seulement par Aristote pour parler des politiciens qui ont avancé leur cause sans cause, par les moyens injustes, pour la vaine gloire. Et là, Paul a pris ce terme et il l'a mis au sein de l'Église. Est-ce que nous avançons nos causes? Est-ce que nous cherchons une vaine gloire? Est-ce que on utilise les moyens injustes pour descendre quelqu'un et monter soi-même. J'ai essayé de penser à un exemple aujourd'hui. Et ce n'était pas long avant que j'ai pensé à la panoplie des églises sur la rive sud qui expriment une jalousie de temps à autre de l'église de la Nouvelle Vie. Et je me suis dit, si jamais Claude Houd tombait gravement malade, je connais des pasteurs qui seraient presque contents de cela. Parce que finalement, ils peuvent faire quelque chose dans leur église sans avoir l'ombre de la Nouvelle Vie sur eux. C'est triste, hein? C'est épouvantable. Mais on est des êtres humains, puis on se donne à cette sorte de mentalité. Si on travaille longtemps, puis on avance très peu, puis on voit quelqu'un qui avance à 100 000 à l'heure avec... Il semble très peu d'efforts. Ça donne la jalousie, n'est-ce pas? Mais en versets 4 et 5, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui est en Jésus-Christ. Alors là, nous avons le hymne. Le poème qui explique la façon que Christ s'est humilié complètement. En temps égal avec Dieu, il s'est humilié complètement pour nous, pour nous rendre le service de salut. Il mentionne la pensée qui était en Christ Jésus, qui est une humilité, qu'on estime les autres comme supérieurs que nous, de considérer les intérêts des autres. Et encore, je pense que dans le contexte d'un petit groupe, on peut exercer ces choses de la façon la plus concrète. Je vais vous donner un exemple pour clore. Ça fait 12 ans que je suis dans un groupe de femmes qui tous habitent à Laval. Il y a 12 ans, j'étais sur le conseil le comité de parents pour l'école primaire. Alors, c'était vraiment à la fin du temps que mes filles étaient à l'école primaire. Et j'étais amie avec plusieurs femmes et on est sorti après chaque réunion mensuelle, on est sorti pour manger un petit quelque chose. Et là, une femme m'a posé la question devant 10 autres femmes. Cindy, pourquoi tu ne t'inquiètes pas pour tes filles? Alors là, j'ai cité Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez pour rien, priez pour tout, faites vos requêtes à Dieu. Et j'ai expliqué chaque phrase, et quand je suis arrivée à la fin, c'était le silence total autour de la table. Et il y avait une femme qui m'a posé la question, « Peux-tu nous enseigner comment lire la Bible de cette façon? » J'ai dit, « Ah, oui, je pense. » Alors, on a commencé. Ça fait 12 ans, on est toujours ensemble. On a enterré une membre. On a enterré maintenant 3 mamans. On a prié pour les 16 enfants qui sont représentés par les 5 femmes. Il y en a 5 qui sont venus finalement. On a prié pour les situations au travail. On a prié les employés difficiles hors des boîtes et on a prié d'autres dedans. On a prié pour les maris, les situations de mariage. On a fait les études bibliques de plusieurs livres bibliques et on a fait d'autres livres ensemble. On a fait Alpha. Ils ont tous accepté le Seigneur à chaque semaine qu'ils ont eu la prière de chez Alpha. Et 4 ans plus tard, ils ont compris l'assurance de leur salut et qu'ils peuvent aller directement au ciel quand ils meurent. Alors, on a fait vraiment un bilan de plusieurs choses. Mais je vais vous dire une chose. Que nous sommes engagés les uns envers les autres. C'est un groupe où il n'y a pas de compétition. C'est un groupe qui se chicane. Mais tu ne peux pas faire ça, oh, mais faites ça. Mais elles acceptent parce que nous sommes un groupe d'amis depuis longue date. On peut dire n'importe quoi, mais on est respectueuses. On peut prier, on peut s'appeler, peux-tu prier pour moi? Oui, je vais prier pour toi. On a prié pour la parenté. Je connais les mon oncle, ma tante et les cousines de tout le monde maintenant. Par nom, pas toujours par visage. Mardi soir, on est sortis ensemble pour fêter la 50e fête de naissance de Louise. Puis c'était très, très important de faire cette fête parce qu'elle passe par un divorce actuellement. Alors, on a essayé de garder ce couple ensemble, puis elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire, mais ça se dissout. C'est notre premier divorce dans le groupe. À un moment donné, il y avait une des femmes qui nous a dit, « J'ai un paquet de femmes qui souffrent de cancer, leur maman qui souffre de cancer. J'aimerais avoir une soirée de prière pour tout le monde. » OK, ministère, on va faire un ministère ensemble. Et là, on a fait des soirées de prière tous les 6 semaines. Parfois, il y avait 20 femmes autour de la table dans la salle à manger. Parfois, il y avait 13. Puis on a fait le travail ensemble. On a travaillé dans les Écritures. On a prié, on a pleuré. Et à un moment donné, on a décidé de faire la Sainte Cène. Alors, on a mis les tasses de vin autour, puis ils ont rempli chaque tasse de vin jusqu'au top. Tout un verre de vin pour la Sainte Cène. Elles sont tous retournées dans leur église et leur paroisse. Certaines ont changé de paroisse parce que le prêtre n'était pas assez fervent, assez biblique. Il n'y avait pas de vie dans cette paroisse. Ils ont changé un pour un autre. Alors, je leur ai promis que je n'allais pas les transformer dans les bons protestants, mais j'allais les mettre plus catholiques. Alors, ils sont vraiment les bonnes catholiques maintenant. Alors, ils sont 4 catholiques et 2 protestants. Puis, on est tous fidèles à nos églises. Pourquoi est-ce que je partage ça? Parce que c'est dans le petit groupe où on sent la sécurité de partager les choses très intimes, de prier les uns pour les autres, de faire le travail de l'esprit dans nos vies. J'ai vécu une épreuve à la fin de l'été. Je ne l'ai pas partagée à mon groupe à cause de leurs choses qu'ils vivaient à ce moment-là. Et finalement, je l'ai partagé à 2 des femmes. Puis ils m'ont chicané de ne pas avoir partagé ça avec tout le groupe. Alors, j'étais justement chicanée. Dans les petits groupes, c'est là où on peut vivre notre vie chrétienne. On peut expérimenter des choses. On peut essayer des choses. On peut être corrigé, mais dans l'amour. Alors, c'est ça. Je vous encourage de participer le mercredi soir ou le vendredi soir, ou partir un nouveau groupe si ça vous tente, avec la consolation, compassion, encouragement, amour, de rechercher la même pensée, de rechercher le même amour, la même âme dans un petit groupe de 4 à 8 personnes. Et c'est là où nous pouvons vivre notre foi chrétienne. Alors, cette semaine, choisissez une de ces choses et décidez avec qui vous allez pratiquer cette chose. Si vous savez quelqu'un qui a besoin de la consolation, peut-être c'est ça. S'il y a quelqu'un qui accroche un petit peu sur une idée que vous avez, peut-être vous pouvez trouver un accord entre vous et l'autre personne. Alors, si vous choisissez une chose, je pense qu'on va avoir une harmonie plus profonde avec les semaines qui s'en viennent. Prions. Merci Seigneur pour l'encouragement de ta parole, l'exemple de Paul et ses amis, les Philippiens. Merci que nous avons le privilège de pratiquer ces choses d'une façon concrète. Il n'y a personne qui se sent seul ou isolé. Merci Seigneur pour cette semaine où nous pouvons mettre en pratique une chose. Au nom de Jésus. Amen.